Les fresques en mosaïque représentant les grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, ce thème, notre grande patrie, et nous les vénérerons à jamais comme soleil du Tchutché, sont érigées au complexe thermoélectrique de Pukchang et à l'usine d'éléments préfabriqués de Pyongyang. La fresque en mosaïque représentant Kim Jong-il en tournée d'inspection de l'atelier de boulettes est construite à l'usine alimentaire Kumsong. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu sur place.